Le DELF 100% réussite. Niveau A1. Copyright, les éditions Didier 2016. Compréhension de l'oral. Se préparer. 1. Identifier un événement. Activité 1. 1. Bonjour, c'est Virginie. Tu veux aller à la piscine mercredi après-midi? Tu peux venir avec Julie. J'attends ton appel. À bientôt. 2. Salut, c'est Anne. Avec Laura, nous allons au cinéma samedi pour voir le nouveau film de Josiane Balasko. Est-ce que tu veux venir? Rappelle-moi. 3. Bonjour, j'organise la fête d'anniversaire de Luigi. C'est le samedi 24 septembre. Est-ce que tu es disponible? Appelle-moi. Ah, au fait, c'est Vincent. À bientôt.